Un jour, parmi les milliers, un jour, que s'est-il passé? Oh, un jour, et tout a basculé. Que venais-tu chercher? Un jour, apparemment, échoué. Un jour, au milieu du passé. Un jour, resté bloqué, un jour, rien n'y fenait, rien n'y fenait, rien, un jour. Désordre et les rumeurs et tout ce qui s'ensuit a oublié la vie. Que dire de ces médias? Que dire de tous ces dires allongés là, allongés là? Fait-il si froid que nos corps sont glacés? Que faudra-t-il en penser un jour où tout le monde aura oublié le mépris et l'ennui? Courir à sa perte, voilà l'avenir. Voilà l'avenir. Même des fois sans courir, on perd. Même des fois sans courir, on perd. Hey, Transcendantion, transcendant de Dieu, transcendant Dieu, transcendant Dieu, dans le nom de Dieu, dans les dieux, dans les dons de Dieu, dans les dieux, dans les dieux, dans les noms, dans les dieux, mais ouin ouin ouin ouin ouin ouin ouin ouin, pila pila pila lou, pila pila pila lou, pila pila pila lou. Fade at you, land at you, fade at you, land at you, fade a loo, fade a loo, fade a loo, fade a loo, fade a loo, fade a loo, fade a fade a fade a loo, fade a fade a fade a loo, fade a fade a fade a loo, oh fade a loo, fade a loo. Fiddleware, you did say. No, que passe, ok. Opa, yop, mais yop, paise. Non, pensez-vous. Oh, you did say, mais que qu'il n'y passe, ok. Alors, il comprenait rien de tout, là. Ouh, ya, you did say, putain, mais. Que qu'il n'y passe, ok. Alors, fais de chiot. Eh, mais que n'y a sepé. Té. Mais que c'est passé. Ah, you did say. Et que. Alors, n'y a pas de say. Que qu'il n'y a passé. C'est coquille, car les rassures ne faisaient pas.